Introduction du livre d'Esther. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le livre d'Esther de la Bible de Filion, traduit par le révérend père Louis-Claude Filion de la Compagnie de Saint-Sulpice. Introduction. Premièrement, le nom, le sujet et la division du livre. Comme pour les livres de Ruth et de Judith, le nom est celui de l'héroïne elle-même. Les Juifs disent « Megillat Esther », « le rouleau d'Esther » ou simplement « Esther ». Grand drame qui se passe en Perse, surtout dans la ville de Suse, sous le règne d'Assuérus. Les mystérieux desseins de la Providence confèrent le titre de reine à la pieuse juive Esther, élevée par son proche parent Mardochée. Celui-ci s'attire la haine d'Aman, le premier ministre, qui, pour se venger, obtient du roi un édit de mort contre tous les Israélites domiciliés dans l'Empire perse. Mais Esther est assez puissante pour faire révoquer ce décret terrible. Aman, ses fils et tous les ennemis des Juifs sont mis à mort. Mardochée devient premier ministre, et le peuple de Dieu, merveilleusement sauvé, célèbre ses actions de grâce. Trois parties principales. Premièrement, les Juifs dans un péril extrême. Chapitre 1, verset 1 au chapitre 5, verset 14. Deuxièmement, les Juifs sauvés par Esther et Mardochée, chapitre 6, verset 1, jusqu'au chapitre 10, verset 3. Troisièmement, appendice deutérocanonique qui complète les deux premières parties, chapitre 10, verset 4, jusqu'au chapitre 16, verset 24. Deuxièmement, la date des faits, l'auteur, la date de la composition. Pour préciser exactement la date des faits racontés dans le livre d'Esther, il suffit de savoir quel est ce roi de Perse Assuérus, sous le règne duquel tout s'est passé. Pendant longtemps, les meilleurs exégètes ont été en désaccord sur ce point important. Mais un des premiers résultats de la lecture des inscriptions perses fut l'identification d'Assuérus à Xerxès. Cette conquête de la science ne fait plus l'ombre d'un doute. Assuérus est donc Xerxès Ier, fils de Darius Ier, fils d'Istaspe. La forme hébraïque Ahasphéros correspond à la forme perse Kayarka, en la faisant précéder de l'aleph prosthétique. Ce qui est dit de l'étendue de l'Empire perse, chapitre 1, verset 1 et chapitre 10, verset 1, des usages de la cour et de l'humeur capricieuse d'Assuérus, convient parfaitement à Xerxès. Les auteurs grecs et latins, en citant d'autres traits de son caractère, nous le présentent sous le même jour que l'écrivain hébreu, sensuel, vindicatif, cruel, extravagant. Le Lydien Pythius lui donne de grosses sommes pour faire la guerre contre la Grèce, traite très bien son armée, et lui demande seulement de garder l'aîné de ses cinq fils qui servait dans ses troupes. Xerxès fait aussitôt couper le jeune homme en morceaux et passer ses soldats au milieu de ses débris sanglants. Confère Hérodote, chapitre 7, versets 37-39, ou Sénèque, dans le De Ira, chapitre 7, verset 17. Parce qu'une tempête a emporté le pont de bateau construit sur l'Hellespont pour le passage de ses bataillons, ce même roi condamne à mort le constructeur et ordonne de fouetter la mer et de la charger de chaînes. Hérodote, chapitre 7, verset 31. À la bataille des Thermopyles, il fait placer au premier rang, si on en croit Diodore de Sicile, les soldats mèdes, afin de les faire tous tuer. Après son échec en Grèce, il oublie ses désastres en se plongeant dans toutes sortes de débauches. Hérodote, chapitre 9, versets 108 et suivants. Tel était Xerxès, tel était Assuérus. Or, Xerxès Ier régna de 485 à 464 avant Jésus-Christ. En outre, comme le livre d'Esther s'ouvre à la troisième année d'Assuérus, pour s'achever à la treizième, la date des événements est ainsi limitée aux années 482-472 avant Jésus-Christ. Au sujet de l'auteur, il existe différentes hypothèses, mais pas de tradition proprement dite qui s'impose. Saint Augustin et d'autres attribuent la composition du livre à Esdras. Le Talmud, aux hommes de la grande synagogue. Clément d'Alexandrie et divers auteurs après lui, à Mardochée en personne. Sans être certaine, cette dernière conjecture est la plus plausible des trois. Du moins, elle ne présente rien d'impossible. Si quelques traits de la fin paraissent un peu plus récents, notamment chapitre 9, verset 22 jusqu'au chapitre 10, verset 1, rien n'empêche qu'il n'ait été ajouté par une autre main. Le lieu et l'époque de la composition sont plus faciles à fixer avec certitude. L'auteur cite des documents qu'il n'a pu consulter que dans les archives persanes. Il est vraisemblable qu'il aura écrit à Suse même. Un nombre considérable de détails ne peuvent guère provenir que d'un témoin oculaire. En tout cas, la fraîcheur et la précision du récit font penser à un contemporain d'Esther. Le style indique à peu près la même époque que celle des Paralipomènes, d'Esdras et de Néhémie. Troisièmement, but et caractère du livre d'Esther. Le but n'est pas seulement, comme l'affirment quelques auteurs contemporains, de raconter l'origine de la fête de Pourim ou des sorts, instituée en souvenir de la délivrance des Juifs. Il est au fond le même qu'au livre de Judith et consiste à donner une nouvelle preuve éclatante du soin avec lequel Jéhovah veillait sur son peuple pour écarter de lui tout péril et le préserver en vue du Messie promis. Voyez chapitre 10, versets 12 à 13, chapitre 11, versets 9 et suivants, chapitre 13, versets 15 et suivants, chapitre 14, versets 5 et suivants. Les Juifs ont attaché de tout temps une importance particulière à cet opuscule, le seul ouvrage complet avec le Pentateuque qui se lise obligatoirement au Temple. Le seul qui, avec le Pentateuque, ait conservé sa forme antique de rouleau. Aussi le Talmud contient-il cette assertion : les prophètes et les hagiographes pourront être anéantis, mais le Pentateuque ne périra point. Pareillement, le volume d'Esther est impérissable. Il respire un ardent et courageux patriotisme. La forme est claire et simple, pittoresque et vivante. Les tableaux dramatiques se présentent presque à toutes les pages. Les portraits des quatre principaux personnages, Esther, Mardochée, Assuérus, Aman, sont d'une vérité saisissante. Les mots d'origine persane sont relativement fréquents, de même les expressions hébraïques de date plus récente et les aramaïsmes, ce qui s'explique par le lieu et l'époque de la composition. Quatrièmement, le caractère historique et la canonicité du livre. On s'est plu de nos jours à attaquer la véracité de certains détails que l'on a affecté de regarder comme invraisemblables. Ces détails, relatifs surtout au roi Assuérus, s'expliquent sans peine par ce que l'histoire nous révèle des mœurs et de la nature de ce prince despotique. Bien plus, Des traits nombreux du livre sont en parfaite conformité avec les usages persans, tels qu'ils nous sont connus par les auteurs classiques. La fête des sorts, célébrée de tout temps dans Israël depuis le règne de Xerxès Ier, atteste la croyance de la nation théocratique à la vérité des faits sur lesquels cette solennité était fondée. Sous le rapport de la canonicité, il faut distinguer deux parties dans le livre d'Esther. Les deux premiers tiers, chapitre 1, verset 1, jusqu'au chapitre 10, verset 3, existent seuls dans la Bible hébraïque. Le reste, chapitre 10, verset 4, jusqu'au chapitre 16, verset 24, en est absent. La première partie est donc proto-canonique, comme l'on dit, la seconde, deutérocanonique, c'est-à-dire égale à l'autre au point de vue de l'inspiration, mais reçue plus tard dans le canon sacré. Cette seconde partie se compose de sept fragments distincts qui sont entremêlés au récit de la traduction des Septante, mais que saint Jérôme a groupés ensemble dans la Vulgate et placés à la fin du livre. Premièrement, prologue, qui contient le songe de Mardochée, Vulgate chapitre 11, verset 2 jusqu'au chapitre 12, verset 6, dans les Septante avant chapitre 1, verset 1. Deuxièmement, l'édit d'Assuérus contre les Juifs, dans la Vulgate, chapitre 13, verset 1 à 7, dans les Septante, à la suite du chapitre 3, verset 13. Troisièmement, le message pressant de Mardochée à Esther pour l'inviter à se présenter devant Assuérus, Vulgate, chapitre 15, verset 1 à 3, Septante, après le chapitre 4, verset 8. Quatrièmement, les prières de Mardochée et d'Esther, Vulgate, chapitre 13, verset 8 jusqu'au chapitre 14, verset 19, Septante, après le chapitre 4, verset 17. Cinquièmement, la description de la visite d'Esther au roi, Vulgate, chapitre 15, verset 4 à 19, Septante, à la suite du chapitre 5, verset 1 et 2. Sixièmement, le décret d'Assuérus en faveur des Juifs, Vulgate, chapitre 16, verset 1 à 24, Septante, après chapitre 8, verset 13. Septièmement, épilogue, qui donne l'interprétation du songe de Mardochée, Vulgate, chapitre 10, verset 4, jusqu'au chapitre 11, verset 1, Septante, après le chapitre 10, verset 3. Il est certain que ces fragments firent primitivement partie du texte du livre. Il existe plusieurs anciens midrashim, commentaires juifs, qui les contiennent. L'historien Joseph les a connus. La paraphrase chaldaïque les renferme aussi bien que les Septante. Les traducteurs alexandrins, dans les dernières lignes du livre, Vulgate, chapitre 11, verset 1, affirment clairement qu'ils les ont reçus de Jérusalem environ deux siècles avant l'ère chrétienne. Que faut-il de plus, en fait de témoignage, pour une démonstration solide? Les preuves intrinsèques viennent aussi corroborer l'argument extrinsèque et attester que, sans ces passages, le livre d'Esther serait mutilé, incomplet. On a remarqué depuis longtemps que la partie proto-canonique ne contient pas une seule fois le nom de Dieu, qu'il n'y ait question ni du choix spécial que le Seigneur avait fait des Juifs pour qu'ils fussent sa nation sainte, ni de leur histoire antérieure, tandis que ces détails, qui caractérisent si bien tous les écrits inspirés, abondent dans les fragments deutérocanoniques. Qu'on remette ces derniers à leur place, ce fait bizarre et anormal disparaît. Il complète admirablement le livre et lui donne sa vraie couleur théocratique. Ils en devaient donc faire partie intégrante à l'origine, mais il est probable, comme le supposait Aben Esra, que le petit volume d'Esther fut traduit aussitôt en persan pour être annexé aux annales de l'Empire. Or, évidemment, cette rédaction officielle, purement historique, omit tout ce qui eût été en opposition avec la religion de la plupart des sujets de l'Empire. étant la plus répandue, elle a pris place de préférence à l'autre dans la Bible hébraïque. Notons encore que le plus souvent, le style des morceaux deutérocanoniques annonce visiblement un original hébreu. Si les deux édits ont un cachet grec assez accentué, cela tient ou au genre plus large qui a adopté le traducteur, ou mieux encore, à ce qu'il les aura reproduits tels qu'ils furent publiés dans les provinces persanes de langue grecque. Dans la Bible hébraïque, le livre d'Esther n'occupe point la même place que dans les Septante et la Vulgate. Il est rangé entre les quatre autres Mégillotes, parmi les hagiographes, entre Job et Daniel. Cinquièmement, ouvrages à consulter, les commentaires de Sérarius, Calmet, Cornelius à Lapidé, J. A. Nicles, de Estere Libro, Rome, 1856, J. Aupert, commentaire historique et philologique du livre d'Esther, d'après la lecture des inscriptions perses, Paris 1864, B. Netteler, Die Bucher Estras, Nehemias und Esther, Münster 1877, Gillet, Toby, Judith et Esdras, Paris 1879. Fin de l'introduction.